Dossier 5, livre page 57. 1. Où est Rémi ? Il est allé chez le médecin. 2. Regarde, maman, mes souliers sont usés. Je dois les changer. 3. Qu'est-ce que tu as dans ton panier ? Du café et du pâté. 1. Comment tu t'appelles ? Paul. 2. Il est beau ton pull. Mon frère Robert me l'a offert. 1. Tu vas avec nous au stade le vendredi ? Non, ne m'attendez pas. Je suis malade. 2. Cette semaine, on a appris l'addition.